Nos amis étrangers qui ont visité le musée de la guerre de libération de la patrie ont loué la brillante tradition de la victoire de la Corée Sun Gun. Le chef de la délégation du Parti des Socialistes de la République de Moldavie a dit avoir compris que le camarade Kim Il-sung est le commandant prestigieux à la volonté de fer qui a reflé les forces alliées impérialistes guidées par les États-Unis. Le chef de la délégation de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des idées du Juche et de la politique de Sun Gun a glorifié le président Kim Il-sung qui a conduit à la victoire le peuple coréen et son armée avec les stratégies, les tactiques et les méthodes de combat adaptées à chaque époque et étape de la guerre et son leadership éminent. L'esprit de défense de la patrie et l'esprit de lutte anti-impérialiste des générations du temps de la guerre en Corée servent d'exemple à suivre par les peuples révolutionnaires du monde en lutte pour l'indépendance et la justice. Ce disant, le chef de la délégation du Parti communiste suisse a souligné que la tradition de la victoire de la Corée qui a défendu la souveraineté et la dignité nationale contre l'agression impérialiste sous la direction éminente du camarade Kim Il-sung continue brillamment grâce au camarade Kim Jong-un. Le chef de la délégation de l'Institut bangladais des idées du Juche a dit qu'aucun ne peut l'emporter sur la puissante force inépuisable de la Corée qui s'est affirmée comme puissance nucléaire de l'Orient.